mesdames et messieurs, en programme de ce soir, c'est la guerre en Angleterre, c'est le nucléaire en tout le pays. Et vive la marche! Tu es dans ta gueule, rien à plus servir. Laisse-les te revêler.